Parler de des lettres philosophiques, ou comme je vais les appeler ici, les lettres sur les onglets, parler de ce livre dans le contexte de Voltaire historien pourrait sembler choquant. Donc, dans un sens, je commence en adoptant une position de fraude, car je parle d'un livre qui n'est pas normalement vu comme un livre d'histoire. Mais je suis en train de préparer l'édition critique des lettres sur les onglets. Donc, c'était l'occasion d'essayer de repenser ce livre en le mettant dans le contexte de l'écriture historique. Je commence avec un constat tout simple. Comment est-ce qu'on écrit l'histoire de l'Angleterre au début du XVIIIe siècle? Évidemment, c'est compliqué car il y a une difficulté absolument énorme qui s'appelle la Révolution d'Angleterre. Il y a Londres de Cromwell. Les Anglais ont coupé la tête de leur roi en 1649. Comment concevoir l'horreur de ce qui s'était passé en Angleterre? Comment interpréter ce geste politique dans une histoire qui se voudrait moderne ou actuelle? Donc, comment Voltaire lui-même, quand il envisage de faire un livre sur les Anglais, comment est-ce qu'il fait face à cette question? Je dis d'abord quelque chose sur le texte. Les lettres philosophiques, les lettres sur les Anglais, sont une des œuvres, je pense que je peux dire, les plus familières de Voltaire. Par là, ce que je veux dire, pour un professeur de lettres, c'est un des livres de Voltaire qui figure le plus souvent sur les programmes, avec Candide et quelques contes. C'est toujours les lettres philosophiques qu'on enseigne. C'est pour nous presque on pourrait presque dire le Voltaire banal. Mais en fait, ce n'a pas toujours été le cas. Les lettres philosophiques ont été ce texte familier depuis un siècle seulement, en réalité. C'est un texte, je n'entre pas complètement dans le détail du texte, mais vous savez, le texte sort en 33 et 34, dans des éditions anglophones et francophones, à Londres et à Rouen. Tout de suite, les lettres philosophiques à Rouen tombent sous une censure absolument féroce. Voltaire est menacé de prison, son éditeur aussi. Il part à la campagne, Madame du Châtelet, il est plus ou moins en exil. Et à cause des termes de la censure, Voltaire n'a plus le droit de publier un livre avec le titre Lettres philosophiques sur la page. C'est-à-dire, cette censure reste en vigueur jusqu'à la fin de ses jours. Donc, même si le texte devient par la suite fragmenté et republié par ailleurs, un livre avec la page de titre, Lettres philosophiques, disparaît complètement. Et le livre reste complètement effacé tout le long du XIXe siècle. Donc, tout le long du XIXe, lorsqu'on republie le siècle XIV presque annuellement, je pense, pour le XIXe, le siècle XIV est l'une des œuvres les plus connues de Voltaire. Apprécié y compris par les gens qui par ailleurs étaient catholiques et pas forcément adeptes de sa philosophie, l'aide philosophique n'existe pas. Le texte est réinventé, le terme n'est pas trop fort, le texte est réinventé par Gustave Lanson, le grand professeur positiviste à la Sorbonne à la fin du 19e, début du 20e. Et il sort la première édition de l'aide philosophique, la première édition critique, en 1919. Alors, même les conditions de cette édition, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire dans une perspective historique sur il y aurait beaucoup à dire sur les conditions historiques de cette édition. Faire un livre qui célèbre les liens entre la culture anglaise et française au moment de l'entente cordiale, juste avant la Première Guerre mondiale, quand on sait probablement qu'une guerre va venir, le geste n'est pas innocent. Toute l'entreprise d'éditer les lettres philosophiques commence à un moment où les liens diplomatiques entre la France et l'Angleterre sont vraiment en première ligne. Gustave Lanson, qui a fait une édition absolument magistrale, a imposé une vision de l'œuvre qui reste en vigueur jusqu'à ici. Toutes les rééditions en poche répètent plus ou moins, et ce n'est pas une critique, c'est simplement un constat, répliquent les constats, les prises, les points de vue idéologiques de Lanson. Donc, on est resté toujours dans sa façon de penser. Lanson pour aller bref, avait une obsession avec la notion de source. Il a donné même son nom à une sorte de méthodologie. Quand on parle de méthodologie lansonienne, c'est toujours une étude pointilleuse de source. Donc, et son édition est tellement minutieuse du point de vue de la recherche des sources qu'elle est parfois presque illisible. Il cultive la recherche de sources au point où ça risque de devenir parfois surréel. Maintenant, après un siècle de recherche depuis Lanson, on peut dire que la liste des sources des lettres sur les Anglais est assez bien connue. Du côté anglais, on citera Berkeley, Locke, Newton, Pemberton, Whiston. Du côté français, on citera Fontenelle, Maupertuis, Pascal, Rapin-Toira. Tout ça est connu et il reste peu de choses à ajouter à cette liste, sans doute. Mais identifier les sources d'une œuvre, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'identifier le modèle, le modèle structurel. Et là-dessus, Lanson est beaucoup moins satisfaisant, pour la simple raison que ça ne l'intéresse pas. Lanson pense que quand on identifie les sources d'une œuvre, tout est dit. Par la suite, les chercheurs n'ont pas beaucoup réfléchi à la question du modèle des lettres philosophiques. D'où est-ce que Voltaire comment est-ce qu'il a eu l'idée de faire un livre sur les Anglais qui serait en même temps un commentaire sur les Français? C'est déjà une sorte de prise de position historiographique aussi. René Pommeau, par exemple, fait un article pour dire que les lettres sur les Anglais, c'est une œuvre épistolaire. C'est tout dire et c'est rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire une œuvre épistolaire? Bon, c'est vrai que c'est fait de lettres, mais quel genre d'épistolarité? Enfin, c'est pas très satisfaisant. Dans le projet de publier les lettres sur les Anglais, ce qui frappe surtout, c'est l'ambition du projet. Il y avait bien sûr le modèle du livre de voyage, parce que ça existait depuis le XVIIe siècle, c'était très répandu. Il y a un Suisse, Béat de Muralt, qui a fait un livre, Voyage chez les Anglais et chez les Français, un livre très très lu à l'époque. Voltaire connaît ces modèles, mais il les connaît pour s'en écarter. Donc, dans une certaine mesure, on peut dire que Voltaire écrit contre les livres de voyage. Il essaie de faire quelque chose d'autre, quelque chose qui est beaucoup plus philosophique. Je vais citer quelques textes qui sont très connus par les spécialistes, mais par exemple, The Advertisement to the Reader, c'est la préface d'un essai qu'il a écrit en anglais, en Angleterre, en 1727. Il explique comment il va un jour écrire sur l'Angleterre. Comme Voltaire écrit ce texte en anglais, je vais le lire en anglais, mais je pense que ce sera clair. I am ordered to give an account of my journey into England. I will leave to others the care of describing with accuracy Paul's Church, Saint-Paul, the Monument, Westminster, Stonehenge, etc. I consider England in another view. It strikes my eyes as it is the land which hath produced a Newton, a Locke, a Tillotson, a Milton, a Boyle. Donc, je pense que vous avez suivi. Je ne vais pas faire ce que font tous les touristes, les guides de touristes en décrivant Saint-Paul et Stonehenge. Je vais parler des penseurs, Newton, Locke, etc. Donc, déjà, c'est un manifeste historique pour ce livre qui n'est pas encore, qui a à peine rédigé. En soulignant les grands esprits au lieu des grands monuments, Voltaire annonce le projet de faire en fait une histoire culturelle. Même dans les lettres sur les Anglais, même manœuvre, dans le texte même. Je cite par exemple la lettre 12 sur Bacon, sur le chancelier Bacon. Et cette fois, Voltaire l'a écrit en français. Puis donc que vous exigez que je vous parle des hommes célèbres qu'apportait l'Angleterre, je commencerai par les Bacon, les Locke, les Newton, les mêmes noms, etc. Les généraux et les ministres viendront à leur tour, dit-il, avec un air désabusé. Et ce qui est amusant dans le cas des lettres philosophiques, c'est qu'en fait, le tour des généraux et des ministres, ma foi, ne vient jamais. Ils sont complètement laissés de côté. Je pense qu'on cite souvent ces textes pour montrer la nouvelle dérive que Voltaire essaie d'adopter dans les lettres sur les Anglais. Mais je pense qu'il est important de dire que dans une certaine mesure, il annonce très lentement le projet aussi du siècle XIV et même de l'Essai sur les mœurs. C'est-à-dire, il y a une certaine continuité dans à partir de la conception des lettres sur les Anglais, il y a le début d'une réflexion historiographique qui va mener au siècle XIV et plus tard, au même temps même, à l'essai sur les mœurs. Et je note en passant que la phrase, la formule siècle XIV paraît pour la première fois dans les écrits de Voltaire, dans les lettres philosophiques, à deux reprises. C'est-à-dire, il a dans sa tête la conception de la notion de siècle XIV quand ils sont en train d'écrire les lettres sur les Anglais. Ce qui, quand même, du point de vue historiographique, me semble intéressant. C'est après la publication des lettres sur les Anglais que Voltaire réfléchit de façon plus systématique sur l'écriture de l'histoire des temps modernes. Et entre 42 et 44, 1742-1744, Voltaire publie trois opuscules historiographiques, tous les trois concernés par la nécessité, je cite Voltaire, la nécessité d'écrire l'histoire des temps modernes. Au hasard, je cite les Remarques sur l'histoire, 1742, ce qui manque d'ordinaire à ceux qui compilent l'histoire, c'est l'esprit philosophique. Donc voilà, quand même, il parle déjà au moment où il est en train d'écrire le siècle XIV, après l'expérience des lettres sur les Anglais, il parle de la nécessité de faire l'histoire des temps modernes et de l'importance de l'esprit philosophique dans l'histoire. Alors, dans ce contexte, là je traite évidemment un sujet très vaste, trop vite, mais dans ce contexte, j'aimerais attirer votre attention vers un auteur qui n'est jamais cité dans ce contexte. Il s'agit de Sir William Temple. Temple s'est fait remarquer, c'est un Anglais qui meurt en 1699, donc à la fin du XVIIe siècle. Il s'est fait remarquer comme diplomate brillant. Notamment, c'est lui qui négocie pour les Anglais en 1668 la Triple Alliance. C'est au moment où Louis XIV est très agressif en menant les guerres vers le nord. Temple négocie la Triple Alliance. On dit la Triple Alliance en français, c'est ça, oui. La Triple Alliance entre l'Angleterre, les Provinces-Unies et la Suède. L'idée, c'est de faire un front commun des pays protestants contre Louis XIV. Et ce qui est efficace pendant un certain temps, n'est-ce pas? Temple est un ambassadeur qui est l'ambassadeur britannique à La Haye entre 1668, donc tout de suite après la Triple Alliance, et 70. Après, il est démis de ses fonctions, mais il revient ambassadeur en 1774. Donc c'est un homme, d'abord un homme de grand esprit, un grand diplomate, un homme qui admire énormément les Pays-Bas, qui parle couramment le hollandais et qui a une relation très étroite avec Jean de Witt, le chef en quelque sorte, le gouverneur, quel était son titre, le pensionnaire le grand pensionnaire des Provinces-Unies. De retour en Angleterre, donc après avoir été ambassadeur, Temple publie un livre qui a un très grand succès en Angleterre, qui s'appelle The Observations upon the United Provinces of the Netherlands, les observations sur les Provinces-Unies. The Observations sont publiées en 1673. Par la suite, Temple prend sa retraite. Il passe une vie un peu idyllique à la campagne, près de Londres, et il se voue à la littérature. Il écrit des livres très importants, des essais notamment. Par exemple, il écrit un essai très important pour les Anglais, Of Ancient and Modern Learning, en 1690, où il écrit déjà un manifeste sur la querelle des anciens et des modernes, qui sera très lu par les Français par la suite. Il prépare ses lettres et la publication de ses mémoires. Il devient un homme de lettres très réputé, et vers la fin de ses jours, il devient le protecteur du jeune poète irlandais Swift. Voltaire n'a jamais pu connaître Temple, évidemment, parce qu'il est mort trop tôt. Par contre, Voltaire a connu Swift, donc il a dû entendre parler du protecteur de Swift en parlant avec Swift. Évidemment, Voltaire connaît le personnage. Dans le siècle XIV, par exemple, Voltaire raconte l'histoire de la Triple Alliance, signée en 68. Là, je cite le siècle. Jean de Witt avait contracté avec le chevalier Temple, ambassadeur d'Angleterre à La Haye, une amitié bien rare entre les ministres. Temple était un philosophe qui joignait les lettres aux affaires, homme de bien malgré les reproches que l'évêque Burnet lui a fait d'athéisme. né avec le génie d'un sage républicain, aimant la Hollande comme son propre pays parce qu'elle était libre et aussi jaloux de cette liberté que le grand pensionnaire lui-même. Donc voilà un beau portrait de Tempo fait par Voltaire dans le siècle XIV. Voltaire aussi est parfaitement au courant de l'importance de Tempo comme auteur, comme littérateur. Toujours, je cite le siècle XIV, où il parle de Tempo comme un défenseur fervent des anciens. Il a été question ce matin de la querelle des anciens modernes. Voici Voltaire sur, dans un autre chapitre, sur la querelle en fait. Je cite, « Cette indifférence que nous avons pour les grandes choses, devenue trop familière, cette admiration des anciens Grecs pour les petites, est encore une preuve de la prodigieuse supériorité de notre siècle sur les anciens. Boileau en France et le chevalier Temple en Angleterre s'obstinaient à ne pas reconnaître cette supériorité. Ils voulaient dépriser leur siècle pour se mettre eux-mêmes au-dessus de lui. » Donc voilà, Temple est aussi le modèle même de l'ancien qui méprise les temps modernes. Alors, dans la bibliothèque de Voltaire, je vous rappelle que la bibliothèque de Voltaire est une bibliothèque, celle que nous connaissons, remonte à la fin de sa vie, donc très loin de l'époque où nous sommes maintenant. Mais dans la bibliothèque de Voltaire, nous trouvons les mémoires de Temple, en traduction française, et les nouvelles mémoires aussi les miscellanies, un volume d'œuvres mélangées. Tous dans la bibliothèque. On ne trouve pas dans la bibliothèque une édition des Observations on the United Provinces. Alors, cette lacune, dans un sens, n'est pas significative. Il me semble inconcevable que Voltaire n'a pas connu ce livre, mais l'absence de la bibliothèque fait que les gens n'en parlent pas. Par exemple, Jérôme Fécris, qui a fait un très beau livre sur Voltaire à la Hollande, scrupuleusement précis, ne cite pas The Observations on the United Provinces. Comme le livre est absent de la bibliothèque, il ne le traite pas. Mais je vous rappelle, nous sommes au début du siècle, nous sommes dans les années 20, 30, 40, la bibliothèque, c'est la bibliothèque de Ferney, où Voltaire s'installe après 1760. Certes, il y a eu des livres qui sont venus d'époques antérieures, mais il est très difficile de faire un argument à partir d'une lacune, de dire que Voltaire ne connaît pas un livre en 1730 parce qu'il manque dans la bibliothèque 30 ans après, c'est aller trop loin. Alors je vais rapidement vous dire quelque chose sur The Observations de Temple. Le livre paraît à Londres pour la première fois en 1973. Il consiste en 8 chapitres. C'est un livre petit, précis, concis, comme les aime Voltaire. Qui traite l'histoire des Provinces-Unies, le gouvernement, la disposition de leur peuple. Il a un chapitre sur la religion, suivi par un chapitre sur le commerce. Et enfin, il traite évidemment la défaite des Provinces-Unies en 1672. Alors, il y a la plus belle étude sur les écrits en général de Temple est écrite par un Français, Pierre Marombeau. Et Pierre Marombeau résume le livre en disant que c'est l'étude, je cite, « l'étude d'une civilisation ». C'est-à-dire une histoire rédigée sur un temps personnel qui situe les événements politiques et diplomatiques dans un contexte social et économique. Alors, pour vous donner une idée du temps de Temple, dans le temps que j'ai, je vais citer quelques extraits de son chapitre sur la religion. C'est peut-être le chapitre qui était le plus dangereux dans le livre. Je vous rappelle aussi que vers 1670, les Anglais ont remis un protestant sur le trône, et le roi protestant essaie de... je reviens tout à l'heure, mais il essaie de créer un certain climat de tolérance vis-à-vis des catholiques et des protestants dissidents, mais le Parlement est contre. C'est-à-dire que Temple est dans une position où il voit une tolérance pour lui plus idéale aux Pays-Bas, dans les Provinces-Unies. Il voudrait que ce soit un modèle imité par les Anglais de son époque. Voici comme Temple ouvre son chapitre, c'est le chapitre 5 sur la religion. Je cite, « Je ne prétends point du tout parler ici de la religion en théologien, Voltaire aurait très bien pu écrire la même phrase, mais seulement en homme purement politique. C'est extrêmement précis. Je vais parler de la religion, mais pas du tout dans un contexte religieux. C'est un ton très Temple à certains moments, un ton extrêmement voltairien avant la lettre. Et puis, je vais vous citer un passage où il décrit ce qui pour lui semble être l'idéal de la vie aux Provinces-Unies. Nous sommes dans les années 1670, où on voit les gens de religions différentes vivre côte à côte. Je cite: Mais en cette république, personne ne se peut plaindre avec raison d'être gêné en sa conscience. Et personne ne pouvant espérer de pouvoir former un parti pour avancer sa religion, ni de faire brèche dans l'État. Les différents qui partagent des opinions n'altèrent point les affections et troublent fort peu leur conservation, où elles servent d'entretien et de divertissement. Ils disputent sans intérêt et sans colère. On se demande si ce n'est pas un peu idéalisé, mais c'est ce qu'il écrit. L'on y vit ensemble comme de citoyens du monde. Et ici, dans la phrase qui suit, on pourrait presque être en train de lire une phrase sur les Anglais. L'on y vit ensemble comme de citoyens du monde, associés entre eux par les liaisons communes de l'humanité et de la paix, sous la protection innocente de lois intéressées. Et comme partout ailleurs, il est au choix de chacun de manger, de loger et d'aller au marché ou à la cour avec qui il le trouve bon. Alors il semble qu'ici, l'on peut faire choix de ceux avec qui l'on veut prier ou aller au temple, ou bien s'associer aux services et cultes de Dieu. Aussi ne prend-on pas plus garde à l'un qu'à plus à l'un qu'à l'autre, et l'on ne censure pas plus le choix qui se fait en ce cas plutôt qu'en l'autre. C'est-à-dire, dans les Provinces-Unies, on choisit ses amis, on choisit son travail, on choisit sa religion, et tout le monde vit ensemble, heureux. La tonalité de ça, même les cadences de la phrase sont très, et non seulement la pensée, c'est très, très voltairien. Alors, le livre connaît un très grand succès en Angleterre. Il y a du vivant de Temple 6 éditions, ce qui est énorme pour l'époque. Une 7e édition, corrigée, augmentée, paraît à Londres en 1705. C'est-à-dire, Voltaire arrive à Londres en 1726. Quand il arrive en 1726, ce livre est toujours très connu. Il existe 7 éditions sur le marché, tout le monde connaît ce livre. Il est inconcevable que Voltaire n'aurait pas trouvé ce livre en Angleterre. D'autant plus qu'il fréquente Swift, dont Temple avait été le protecteur. Mais en fait, Voltaire n'avait pas besoin d'apprendre l'anglais pour lire Temple, car il pouvait très bien le lire en français. Et je pense que Voltaire a dû lire The Observations déjà en français avant de venir en Angleterre. Plusieurs livres de Temple étaient traduits en français. C'était un auteur en vue. Les œuvres mêlées, par exemple, paraissent en 1694. Les lettres paraissent en français en 1700. Tous les deux des éditions françaises publiées dans les Pays-Bas. Vous voyez le circuit, que sont les Huguenots qui traduisent Temple, qui publient en français en Hollande. Mais l'œuvre de Temple qui est qui a le plus de profil en traduction française, ce sont les Observations, dont il y a 2 traductions. La première traduction française paraît un an seulement après la parution de l'édition anglaise. Et il paraît à Paris, donc en 1674. Et ça s'appelle L'état présent des Provinces-Unies des Pays-Bas. Cette première traduction française a une particularité assez spéciale. Il ne contient que 6 des 7 chapitres. Et le traducteur, qui est à Paris, a trouvé mieux de laisser tomber complètement le chapitre sur la religion. Celui que je viens de citer d'ailleurs. Bien sûr, aucun mot n'est soufflé sur la disparition de ce chapitre, qui est simplement supprimé. Ils ont considéré que ce que disait Temple sur la religion hollandaise était trop compliqué pour un public parisien. Le chapitre disparaît. Quelques années après, une deuxième traduction paraît, aussi en français, mais cette fois aux Pays-Bas. Et bien sûr, on explique la raison pour la deuxième traduction. La deuxième traduction qui paraît en 1679, qui sera très souvent réimprimée, s'appelle Remarques sur l'état des Provinces-Unies des Pays-Bas. Alors, déjà, le geste politique de cette traduction est évident car le volume est dédicacé, je cite, à Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince d'Orange, comte de Nassau. Alors, on dédie la traduction au comte d'Orange, c'est évident. Et les auteurs du dédicace, deux frères Stücker, expliquent, je cite, le peu de commerce que nous avons présentement avec la France, l'omission que l'on y a fait d'un de ses principaux chapitres, c'est-à-dire sur la religion, ils ne le disent pas, nous a obligés à en continuer l'impression. C'est-à-dire, nous sommes obligés de refaire la traduction à cause des lacunes dans la traduction française. Et ils attirent l'attention vers le chapitre omis sans dire que c'est le chapitre qui concerne la religion. Alors, cette version hollandaise, cette traduction hollandaise des Observations, qui contient le chapitre sur la religion, était très souvent réimprimée en France. Il y a 5 ou 6 rééditions. Et je pense que Voltaire l'a lu non seulement avant d'aller en Angleterre, mais avant même de faire ses voyages aux Pays-Bas. Vous rappelez que Voltaire a effectué 5 séjours aux Pays-Bas dans sa vie. Il connaissait très bien la Hollande. Dont 2 voyages avant de faire le voyage en Angleterre. Donc en quelque sorte, le voyage en Hollande prépare le voyage en Angleterre. Bon, le premier séjour est bref. À l'automne 1713, il passe 3 mois à La Haye, il rencontre une jeune dame, Mademoiselle Dunoyer, et ça finit, enfin, bien ou mal, mais ça finit avec une affaire sentimentale et des lettres compromettantes. Il est renvoyé à la maison. Bon, c'est une histoire plutôt romanesque que philosophique. Le deuxième séjour aux Pays-Bas est plus philosophique. Il retourne aux Provinces-Unies à l'automne 1722, en compagnie de Madame de Rupelmonde. Il y reste 1 mois. C'est le moment où il compose l'épître Uranie. Sa pensée est tournée maintenant vers le déisme et la littérature, la poésie polémique. Et c'est pendant qu'il est à La Haye, en octobre 1722, que Voltaire écrit une lettre restée très célèbre, où il décrit la Hollande à Madame de Bernière. C'est peut-être une lettre qui était destinée à être publiée plus tard, on ne sait pas. C'est une lettre qui est très souvent citée comme étant une sorte de prélettre des lettres sur les Anglais. Alors, en décrivant les Provinces-Unies à Madame de Bernière, Voltaire parle d'abord de la beauté du pays. Je cite, on ne voit ici que des prairies, des canaux, des arbres verts. C'est un paradis terrestre depuis La Haye, Amsterdam. Bon. Deuxièmement, il parle beaucoup des signes visibles du commerce dans les Pays-Bas. Je cite, cette ville, c'est Amsterdam, est le magasin de l'univers. Il y avait plus de 1 000 vaisseaux dans le port, etc. Donc il souligne énormément l'importance du commerce. Il dit qu'il n'y a pas d'oisifs ni de pauvres aux Pays-Bas. Je cite, on ne connaît que le travail et la modestie. Et l'autre point fort de cette lettre, c'est la multiplicité des religions, fruit, dit-il, d'une tolérance religieuse qui est très éloignée de l'exemple qu'on trouve actuellement en France. Je cite, nous autres Français, il veut dire, nous avons ici, merci beaucoup, nous avons ici un opéra détestable, mais en revanche, je vois des ministres calvinistes, des arminiens, des sociniens, des rabbins, des anabaptistes qui parlent tous à merveille et qui, en vérité, ont tous raison. Oui, bon, inutile de dire, voilà là, une voix très voltairienne, déjà dans une lettre dite privée en 1722. Cette lettre est très connue, c'est presque une sorte de manifeste, en fait, d'un pays modèle tolérant. On a très souvent cité cette lettre comme une sorte de pré-modèle des lettres sur les Anglais, car effectivement, les thématiques principales sont déjà présentes. Mais je me demande si cette lettre ne suggère aussi que Voltaire a déjà lu The Observations of Temple. Il me semble qu'il y a une source philosophique historique derrière cette lettre. Enfin, il reprend les lignes idéologiques principales de Temple, qu'il résume dans une belle lettre. Donc je soupçonne, sans être capable de le prouver, que Voltaire a lu Temple en français. Probablement avant d'aller aux Pays-Bas, ce serait normal d'ailleurs qu'on lit un grand historien sur les Pays-Bas avant de faire le voyage, et que cette lettre qu'il adresse à Madame de Bernière est tout imprégnée de sa lecture de Temple et qui effectivement prévoit plus tard ce qu'il va faire dans les lettres sur les Anglais. Deux autres points rapidement. J'ai déjà évoqué le Suisse Louis Béat de Muralt qui en 1725 publie, je cite, les lettres sur les Anglais et sur les Français. C'est un livre de voyage, enfin, intéressant, mais aussi dans un sens typique. Typique, donc, il suit un modèle assez bien connu. Dans les lettres sur les Anglais, Voltaire lui-même cite, enfin, non sans ironie, je cite le sage et ingénieux Monsieur de Muralt. C'est-à-dire que Muralt est un texte contre qui Voltaire construit ses lettres sur les Anglais. Mais Voltaire a dû être sensible au fait que à la fin de la sixième lettre de Muralt, il y a une longue description d'une rencontre avec le chevalier Temple. Parce que Muralt est allé voir Temple dans les années 1690. Temple décrit, pardon, Muralt, Muralt décrit longuement la vie menée à la campagne par Temple, ce célèbre négociateur et philosophe, qui mène une vie, je cite, qui est le modèle d'une agréable retraite. Temple demande à Muralt, qui raconte l'histoire, s'il l'a lu en anglais ou en traduction française. Et Temple critique la traduction française, dans laquelle, dit-il, je cite, on m'a cruellement meurtri. C'est une allusion. Alors qu'est-ce que ça ne peut que signifier la première traduction française qui omet le chapitre sur la religion des observations. Donc, c'est très difficile de déceler le jeu, les nœuds de clin d'œil qu'il y a dans ce texte, mais il faut supposer que Muralt a compris à quoi faisait allusion Temple. Temple fait allusion au fait que les Français ont omis son chapitre le plus polémique de son œuvre. Muralt, mine de rien, raconte cette histoire sans l'expliquer et dépend peut-être d'une certaine connaissance de la part de son lectorat. Voltaire connaissait ce texte et il faut supposer que Voltaire aussi a compris le sens à moitié caché de Muralt. Autre point, si on ne trouve aucune allusion explicite aux observations dans les œuvres de Voltaire, il y a certainement des allusions implicites. Par exemple, dans les textes du siècle que j'ai cités tout à l'heure, quand Voltaire dit que Temple aimait la Hollande comme son propre pays, qu'il était un ambassadeur qui avait fait de profondes réflexions sur tout ce qu'il avait vu, il ne peut guère signifier que des observations. Ces remarques n'ont pas tellement de sens s'il parlait des mémoires ou de ses lettres. Temple fournit donc pour Voltaire un modèle d'histoire culturelle qui est absolument remarquable. Temple montre comment la description fidèle mais sélective de l'état d'un peuple, la condition d'un peuple, peut devenir à son tour un outil polémique puissant. Temple fait le lien explicite entre l'importance du commerce et la tolérance de la diversité religieuse. Il établit la position idéologique qui sera reprise, mais entièrement par Voltaire, d'abord dans sa lettre à Madame de Bernier et ensuite, de façon plus importante, dans les lettres sur les Anglais. L'historien István Hont a écrit longuement à propos des débats sur le commerce à cette époque et sur la façon dont le commerce international devient indispensable à la survie militaire et politique des États-nations, ce qu'on appellerait aujourd'hui le economic nationalism. Et toute cette thématique est soulignée par Temple dans son livre et je pense que ça a beaucoup formé la pensée de Voltaire. Autre point, un détail mais qui peut être intéressant. Dans l'histoire de la culture anglaise au XVIIIe siècle, quand on cherche à défendre une prose moderne, une prose qui n'est pas ampoulée comme la prose du XVIIe siècle, mais la prose plus philosophique, qu'est-ce qu'on cite comme modèle? Il y a deux grands modèles de prose, par exemple, prônés par le Dr. Johnson, Addison, auteur du Spectateur, et Temple. Temple et Addison sont les deux grands modèles linguistiques pour celui qui voudrait faire une belle prose en anglais, ce sont les deux modèles à imiter. Voltaire est un linguiste de génie. Il commence à apprendre l'anglais en 26 en Angleterre en lisant The Spectator de Addison. Il est parfaitement possible qu'il ait aussi étudié Temple, aussi dans une perspective de perfectionnement linguistique. Il n'est pas pour rien que les deux influences les plus importantes sur les anglais sont aussi des modèles linguistiques, Addison et Temple. Pardon. Alors, Il me semble, je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais il me semble évident qu'il y a des parallèles absolument évidents entre les observations et les lettres sur les Anglais. Quelles sont les différences? Bon, les différences principales, c'est que dans les lettres sur les Anglais, Voltaire ratisse plus large. C'est-à-dire qu'il ajoute des lettres sur la littérature, sur les penseurs, ce que ne fait pas Temple dans les Observations. Voltaire aime la forme brève et il remplace les chapitres de Temple par des chapitres encore plus petits qui sont des pseudo-lettres. Mais là, il imite en fait le journalisme de Addison. Il prend la forme du spectateur, the spectator d'Addison. Il adapte la position idéologique de Temple dans la forme du journalisme moderne qui est the spectator. Et puis, le point peut-être essentiel, la vraie différence entre Temple et Voltaire, c'est bien sûr la voix. Voltaire ajoute sa propre voix, son ton d'ironie, d'humour, de provocation. Temple écrit très bien, c'est très clair, c'est très beau, mais il n'a pas l'humour ni l'ironie de Voltaire. Encore une fois, c'est Addison qui fournit le ton ironique du narrateur, ce spectateur qui est partiellement à l'écart de ce qu'il décrit. En effet, c'est Addison qui apporte la touche journalistique à l'entreprise voltairienne. Voltaire a peut-être découvert en Angleterre, sinon le journalisme, au moins la puissance que peut avoir le journalisme dans l'espace public. Et il est peut-être conscient aussi du fait que la puissance des journalistes s'est faite d'abord dans les Pays-Bas. Encore un lien entre l'Angleterre et les Provinces-Unies. Le journalisme, qui va tellement important au courant du XVIIIe siècle, a commencé à se faire sentir en français dans les Pays-Bas. Pour résumer trop simplement, je pense qu'on peut dire pour les lettres sur les Anglais que Voltaire prend comme modèle de fond l'œuvre de Temple en ajoutant la forme et le ton de Addison. J'ai commencé avec la question comment est-ce qu'on écrit l'histoire de l'Angleterre au début du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ombre de Cromwell? On peut faire comme Murat dans les voyages en Angleterre, où Murat ne parle pas de la Révolution, il ne parle pas de Cromwell. Il esquive la question, ce qui n'est pas très satisfaisant. Voltaire, en fait, s'adresse directement au problème de la Révolution dans la lettre 8 sur les Anglais, sur le Parlement. On n'a pas peut-être assez compris qu'en lisant entre les lignes, Voltaire s'adresse directement à cette question. D'abord, c'est très voltairien. À la fin de la lettre 7, il évoque Cromwell de façon cavalière, mine de rien, de passage, il cite le nom de Cromwell. Dans la lettre 8 sur le Parlement, il parle du Parlement anglais, bien sûr, mais en réalité, toute cette lettre est un long plaidoyer pour l'exécution de Charles Ier, dans le contexte de, je cite, la folie horrible des guerres de religion. C'est-à-dire que c'est une façon de justifier la Révolution comme produit regrettable des guerres de religion. La position de Voltaire n'est pas moins claire pour être indirecte. Temple, diplomate de génie, était un spécialiste du beau discours, je viens de le dire, mais aussi du discours indirect. Temple, il avait toutes les qualités diplomatiques, y compris l'art de dire les choses à demi-mot. Comme je l'ai déjà suggéré, la description de la tolérance religieuse dans les Provinces-Unies, dans l'œuvre de Temple, est une critique indirecte de la politique anglaise. Charles II, en 1672, avec The Royal Declaration of Indulgence, cherche à établir la tolérance des catholiques en Angleterre et le Parlement oblige le roi à retirer the Royal Declaration et par la suite à accepter the Test Act. Temple écrit contre l'intolérance en louant la tolérance des Hollandais. Impossible de savoir si Voltaire lui-même a pleinement compris le jeu de Temple dans les observations. Je pense que si. En tout cas, Voltaire rejoue le même jeu lui-même dans les lettres sur les Anglais. Il loue la tolérance des Anglais pour faire une critique indirecte des Français, tout comme Temple, un demi-siècle auparavant, avait lu la tolérance des Hollandais pour faire une leçon aux Anglais. C'est-à-dire, non seulement les lettres sur les Anglais sont inspirées par le modèle idéologique de Temple, mais ils jouent le même jeu ironique et satirique en faisant un jeu de relativisme entre les deux pays. Dans un sens, on pourrait dire que dans les lettres sur les Anglais, Voltaire montre que la leçon de Temple a été bien écoutée. En effet, l'Angleterre est devenue bel et bien le pays tolérant que le voulait Temple, et maintenant c'est au tour de Français de suivre le modèle de leurs voisins protestants. Les jeux ironiques dans les lettres sur les Anglais sont difficiles à déchiffrer à cause des oppositions fluctuantes qui créent entre l'Angleterre et la France, mais aussi parce que le portrait que donne Voltaire de l'Angleterre est un portrait composite qui est en partie emprunt aussi des valeurs d'un portrait préexistant des Pays-Bas. Il y a un long débat quand on parle des lettres philosophiques, des lettres sur les Anglais. Est-ce que Voltaire est inspiré par l'empirisme, ses expériences, ou est-ce qu'il est inspiré plutôt par des sources livresques? Cette tension entre choses vues et choses lues. Je pense que plus je travaille dans ce livre, plus je suis persuadé que c'est très, très littéraire. C'est-à-dire qu'il y a les sources livresques des lettres sur les Anglais, concernent même des œuvres à moitié historiques qui ne sont pas sur les Anglais. Il y a même l'influence de Temple qui a joué un jeu dans la construction le portrait qu'il fait, ce portrait idéalisé des Anglais. Donc, je conclue simplement en disant que pour bien comprendre la portée des lettres sur les Anglais, il faut chercher au-delà de ces sources strictement anglaises, ce qui montre qu'il y a déjà une démarche, enfin, un peu historique, dans la genèse de ce livre. Et appliquant à plein une leçon de relativisme, plusieurs pays entrent dans le champ de ces réflexions, les Pays-Bas aussi bien que l'Angleterre et la France. Voltaire crée un livre aussi, c'est une évolution, qui vise des lectorats dans plusieurs pays. C'est-à-dire les lettres sur les Anglais visent aussi non seulement le public français, avec les lettres philosophiques à Rouen, mais aussi un public anglais à Londres, il y a une édition anglophone à Londres. Et je pense aussi, pourquoi pas, un public hollandais, car il y a une édition francophone publiée à Londres qui est exportée aux Pays-Bas. Les lettres sur les Anglais sont une réflexion sur le monde moderne et le fruit du moment où Voltaire commence à élaborer une nouvelle approche historiographique. Et le portrait, je pense que dans le portrait idéalisé de l'Angleterre que présentent les lettres philosophiques, il y a aussi, en filigrane, un portrait plus ancien des Provinces-Unies. Je vous remercie.